À tous ceux qui n'ont jamais trouvé le moindre billet par terre dans la rue, ni même dans la poche d'un vieux jean, ni même quelques centimes oubliés dans la machine à café, et aux mêmes qui se disent que de toute façon, ça n'arrive qu'aux autres. La chance va tourner. En ce moment, il y a plus de 4 millions d'euros en cartes et bons d'achat à gagner chez Intermarché. Tentez votre chance en scannant votre ticket de caisse à la borne du magasin. Et c'est seulement pendant l'anniversaire Intermarché. Bon anniversaire Intermarché. Bisous. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 17 octobre, carte d'achat d'une valeur de 50 euros, modalité sur intermarché.com. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'assassinat d'Oscar Dufresne, le patron du Palace, une figure du music-hall dont le meurtre en 1933 a fait sensation dans les journaux. Le 25 septembre de cette année-là, un peu après minuit, on retrouve le célèbre directeur de théâtre, Oscar Dufresne, mort, assassiné dans son bureau du Palace, rue des Faubourgs-Montmartre à Paris. Alors, crime crapuleux, jalousie. Très vite, les soupçons se tournent vers un mystérieux marin à qui le producteur aurait donné un rendez-vous galant ce soir-là et que des témoins disent avoir aperçu. Dans cette période de l'entre-deux-guerres, plutôt clémente en matière de mœurs, Oscar Dufresne, un homme puissant à la notoriété éclatante, ne se cache pas d'être homosexuel. Mais les circonstances de sa mort, son corps retrouvé dénudé dans ce qui ressemble à une scène à caractère sexuel, jette sur cette personnalité pourtant très aimée de son vivant un discrédit grandissant. Entretenu de surcroît par une presse avide de sensations qui relaie les rumeurs les plus folles et ne cache pas son dégoût pour ce milieu qu'elle dit spécial. Une déviance qui perdure jusqu'au procès du principal suspect qui sera autant celui de l'accusé que de la victime. Aujourd'hui encore, près d'un siècle après les faits, le crime du Palace reste irrésolu et la vie d'Oscar Dufresne injustement oubliée. Notre invitée aujourd'hui, l'historienne Florence Tamagne, auteure du livre intitulé « Le crime du Palace, enquête sur l'une des plus grandes affaires criminelles des années 30 », paru chez Payot en 2017. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, récit documentaire Isabelle Maillot, coordination Christophe Barrère, réalisation Stéphane Coum. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Combien de questions sans réponse et de gens qui se sont perdus dans Paris. Ainsi, en 1933, l'assassin d'Oscar Dufresne, le directeur du Palace, un music-hall du Faubourg Montmartre. On avait vu, quelques instants avant le crime, se glisser dans le bureau de Dufresne un jeune homme en costume de marin. Depuis près de 60 ans, il court toujours. Patrick Modiano, Paris Tendresse. Il n'y a sans doute que l'écrivain Patrick Modiano pour se souvenir aujourd'hui d'Oscar Dufresne. Lui, le fils d'ouvrier lillois, parti de rien, devenu le roi des nuits parisiennes, dont le succès florissant avait coïncidé avec l'âge d'or du music-hall de l'entre-deux-guerres. Je parle évidemment de Dufresne, pas de Modiano. Non, je parle de ce patron du Palace et du Casino de Paris, qui avait été également conseiller municipal du 10e arrondissement et qui aurait sans doute pu devenir député si un marin insaisissable ne l'en avait empêché un soir de septembre 1933. Son nom ne vous évoque peut-être rien. Et pourtant, l'assassinat d'Oscar Dufresne a fait la une des journaux pendant près de 2 ans, devenant même l'un des faits divers les plus retentissants de son époque. Et puis, hasard des dates, il est survenu un mois après la très célèbre affaire Violette Nozière, cette jeune femme parricide qu'Isabelle Huppert incarna somptueusement pour Chabrol à l'écran. Fin août 1933, cette violette, fleur vénéneuse, a empoisonné son père, Baptiste Nozière, qu'elle accusait d'inceste. Mais revenons à notre histoire, dans laquelle Isabelle Huppert, d'ailleurs, n'a incarné personne. Le 25 septembre donc, Oscar Dufresne est retrouvé mort dans son bureau de la rue du Faubourg-Montmartre. Mais quelques mois plus tard, le scandale Stavisky éclate. L'implication de la police dans la mort de Sacha Stavisky, présenté comme un suicide, entraînera une grave crise politique et des émeutes anti-parlementaires au printemps 1934. Ce qui fait que notre fait divers se fond dans la masse des tensions politiques, tandis que le marin d'Oscar Dufresne, lui, court toujours. C'est une personnalité aujourd'hui qui a été quelque peu oubliée, mais il faut se dire que cet homme qui est parti vraiment de rien, hein, qui est un fils d'ouvrier tapissier lillois, qui va monter à la capitale, devenir acteur dans des petits rôles, qui a le goût des affaires, le sens du public, va bâtir un véritable empire. Enfin, les plus grandes salles de l'époque, c'est le roi de la revue, c'est un ami de Mistinguette, va faire carrière en politique, il est conseiller municipal du 10e arrondissement. Donc c'est une personnalité très en vue, très populaire aussi, gouailleur, jovial. Le côté caché, plus ou moins sa personnalité, c'est en effet qu'il est homosexuel, qu'il a pas mal d'aventures. Et le 25 septembre 1933, un crime va donc faire la une de toute la presse parisienne, mais aussi nationale. Donc son assassinat, il est retrouvé dans son bureau du palace, dans une position compromettante. La dimension homosexuelle du crime et le fait que celle-ci fasse la une des journaux est une nouveauté à l'époque. Mais là, il se trouve que la presse de l'entre-deux-guerres, qui se passionne pour le format encore tout récent du reportage, mais surtout pour les faits divers, s'engage et s'empare de cette histoire. À sa façon, laissant libre cours à ses impressions dégradantes et moqueuses vis-à-vis du milieu dans lequel évoluait la victime, hésitant à faire état de certains détails de l'affaire, certes crus, mais factuels, pour aussitôt donner foi à des témoignages inventés qui achèvent de donner à ce crime à sensation un parfum licencieux. Et c'est pour finir, autant au procès de la victime que du principal suspect que l'on assista 2 ans plus tard, les journaux achevant de piétiner à force de moqueries la destinée pourtant festive et inspirante du grand producteur Oscar Dufresne. À l'occasion des 50 ans du Palace en 1971, la journaliste Ariane Gill revient sur le contexte de son inauguration avec un historien qui ne cite pas une seule fois le nom de Dufresne, mais qui évoque à plusieurs reprises celui de son associé historique, Henri Varna, mort en 1969. Le Palace, à cette époque, non, était un des hauts lieux du music hall. Ça a été un des 3 grands music halls de Paris qui appartenait à Henri Varna. Et je crois que sur cette scène, on a vu défiler les Dolly Sisters, Mistinguette, Damia, Frey, Lucienne Boyer, les Débutines Rossi de Charles Trenet. C'était, je crois, un des lieux les plus courus de Paris entre 21 et 38, entre les deux guerres. Il a ouvert ses portes le 21 octobre 1921, précisément. Et est-ce que ça a été facile? C'était peut-être pas facile de lancer un music hall à Paris à cette époque-là. Eh bien, je crois que M. Varna était auparavant directeur des concerts Mayol. Et puis, il avait monté une revue avec beaucoup de succès, dont la vedette était Parisis. Et avec l'argent de son succès, il a pu acheter le palace. Mon soleil, c'est celui des projecteurs, des sunlights. Et pour me réchauffer, rien ne vaut les applaudissements. La presse s'est souvent félicitée que les goûts d'Oscar Dufresne en manière de music hall soient si parisiens. Mais celui qui, lors de l'inauguration du Palace en 1923, s'est déjà imposé comme l'un des producteurs de spectacles les plus puissants de la capitale, un roi de la nuit et de Montmartre, est en réalité né à Lille, dans un milieu ouvrier, en mars 1875. Sur les pas de son père, tapissier, le jeune Oscar acquiert le goût du théâtre en clouant les décors. Il est un temps machiniste, accessoiriste. Des artistes parisiens de renom viennent alors tester leur spectacle à Lille. C'est le cas de la grande Sarah Bernard, qui joue la Dame aux Camélias ou encore la Tosca. Des étoiles plein les yeux, Oscar se fait comédien à 18 ans. Il se lance sans formation d'acteur, mais avec l'approbation de sa famille. Paris, dans les toutes dernières années du siècle, ce sont les heures de gloire du Moulin Rouge, où l'on se presse pour voir du French cancan, mais aussi du music hall. Oscar Dufresne a la chance d'être rapidement réformé du service militaire, qui dure alors 3 longues années, et il s'installe dès 1898 à Paris, entre les grands boulevards et Pigalle. Il ne quittera jamais son cher 10e arrondissement, qui sera le théâtre de sa brillante destinée et de sa disparition brutale. Lors de ses premiers pas sur la scène parisienne, le jeune comédien joue dans des vaudevilles, des opéras comiques, plutôt des seconds rôles. Il devient même pensionnaire du théâtre du Grand Guignol. Malgré ce succès relatif, dès 1909, Oscar Dufresne devient directeur du théâtre du Château d'Eau. Bonne intuition ou calcul avisé pour prévenir les éventuels coups durs de la vie de comédien, c'est en tout cas le début d'une grande carrière de producteur pour Oscar Dufresne, qui prend la tête, 5 ans plus tard, du concert Mayol, un célèbre cabaret de la rue de l'Échiquier, aujourd'hui disparu. Et cette carrière ne se cantonne pas aux hauteurs de Montmartre, car Dufresne voit grand et loin. Il organise les tournées du chanteur à succès Mayol, partout en France, en Europe et jusqu'en Égypte et en Turquie. Il investit également dans des casinos et autres lieux de villégiature, de la baie de Somme jusque dans les Pyrénées. Comme on l'entend dans la lecture de cette coupure de presse du journal L'Avenir de Luchon, publiée à l'occasion de l'inauguration du casino de la ville en juillet 1929. La nuit complète se fait et tout d'un coup un embrasement général du casino retient tous les regards. Les flammes rouges s'élèvent majestueuses et lentes. On peut croire qu'un immense incendie dévore l'édifice avant même qu'on en ait eu connaissance. L'effet est saisissant et frappe fortement la foule qui, de minute en minute, afflue plus nombreuse. Mais voici qu'au fond du parc s'élève la première fusée. Tandis que sur le casino s'éteignent les lueurs incendiaires et les artificiers de M. Lacroix lancent dans l'espace leur gerbe de lumière. Mais c'est encore derrière soi qu'un déclenchement attire l'attention de tous. Féerie nouvelle, une immense cascade, une pluie d'or inonde la façade du casino, la foule s'élève, une clameur d'admiration. Pluie d'or symbolique, manne bienfaitrice, heureux présage d'un avenir brillant, Dufresne est bien l'animateur qu'on disait. Avec tout cela, à la veille de la Première Guerre mondiale, Oscar Dufresne est déjà très connu à Paris. Par chance, une fois encore, il est réformé. Sa carrière de producteur peut donc continuer dès lors que les théâtres, musicaux et autres revues sont autorisés à ouvrir leurs portes en novembre 1914. L'histoire, c'est que l'exécutif les avait fermées pour économiser du charbon. Bref, Joseph Gallieni, alors gouverneur militaire de Paris, ne déclare-t-il pas « Une ville sans spectacle est une ville vaincue ». Eh bien voilà une aubaine pour tout producteur. En 1916, Oscar Dufresne prend un nouvel associé, Henri Varnat. Et c'est le début d'une longue collaboration qui durera jusqu'à la mort d'Oscar. Varnat a également été réformé, ce qui ne va pas sans susciter de jalousie vis-à-vis du tandem. Oscar Dufresne, un homme gay, G-A-I je précise, bon vivant, est aussi un redoutable homme d'affaires et un rare exemple d'ascension sociale spectaculaire. À tort, beaucoup voient en lui un profiteur de guerre. Il a fait fortune, c'est vrai, mais dans les règles, guidé par sa capacité à saisir l'air du temps. S'il franchit certaines lignes rouges, c'est celle de la bienséance. La ruée vers l'orgie, parade du nu, archi nu, nu nu nu, net. Les titres de ses revues sont éloquentes. Certaines affiches sont jugées obscènes. Mais ces polémiques sont autant de publicité pour les spectacles de Dufresne, comme l'explique Henri Varnat dans une interview du 25 février 1966. Le Palace n'avait pas la réputation d'être un endroit recommandé aux jeunes filles. Je crois qu'il venait des spectacles grivois, en tout cas considérés comme tels à l'époque. C'est-à-dire que là, j'en suis responsable. Au contraire, quand j'ai pris le Palace, c'était le canard enchaîné qui exploitait le Palace. Mais qu'il exploitait mal puisque le Palace était tombé en faillite. Nous avons avec Dufresne pris le Palace et la première revue avec Harry Pisser s'est appelée Palace aux femmes. Il y avait dans cette revue la jolie Rana et elle avait une séquence avec Harry Pisser l'après-midi dans un faune. Cela a soulevé une réprobation générale. Paraît-il, la jolie Rana avait oublié ce jour-là de mettre un cache-sexe. Et à partir de ce moment-là, le Palace a connu des recettes incroyables. Et Dufresne est désormais à la tête d'un empire. Le Théâtre Nouveau, les ambassadeurs, le Palace, mais aussi le Casino de Paris, où joueront Miss Tinguette et Joséphine Baker, excusez du peu. Bon, il échoue à prendre possession du Boulin Rouge et perd aussi de peu aux législatives de 1932. Mais en 1926, il est décoré de la Légion d'honneur, sa console. Il prend par ailleurs la tête de la Chambre syndicale et directeur des spectacles de France. Et, depuis 1929, il est élu conseiller municipal du 10e arrondissement, quartier qui compte le plus grand nombre de salles de spectacle de la capitale. Élu radical socialiste, Oscar montre un penchant naturel pour le clientélisme. Pendant sa campagne des législatives, en effet, il offre deux places de spectacle aux électeurs, mais il est également animé d'une fibre sociale qui ne se démentira pas au fil des années. Pendant la guerre, déjà, il met sur pied une soupe populaire à destination des artistes dans le besoin. Une fois élu, il se bat contre l'insalubrité et la surpopulation des écoles publiques. S'il n'avait pas été tué un an après sa défaite aux législatives, il est probable qu'il aurait fini par devenir député. Ne me demandez pas si j'aime la grâce, ne me demandez pas si j'aime Paris, autant demander à l'oiseau dans l'espace s'il aime le ciel ou s'il aime son nid. Autant demander aux marins qui voyagent s'ils peuvent vivre sans la mer et le beau temps. Autant demander à une fleur sauvage s'il en peut vraiment se passer de printemps. Paris, Paris, Paris, c'est sur la terre un coin de paradis. Paris, Paris, Paris, de mes amours, c'est lui le favori. Mais oui, paradis, ce que j'en dis, on vous l'a déjà dit. Et c'est Paris qui fait la parisienne, qu'importe qu'elle vienne du nord ou bien du midi. Et c'est aussi le charme et l'élégance et l'âme de la France, tout cela, mais c'est Paris. Paris, Paris, Paris. Madame, c'est votre robe si jolie. Paris, Paris, Paris. C'est votre beau bijou d'un goût exquis. Mais oui, Paris. C'est aussi votre généreux mari. Mais oui, Paris, c'est votre boucle blonde qu'on sait le mieux du monde coiffée avec fantaisie. Mais oui, Paris, c'est votre beau sourire, c'est tout ce qu'on désire, tout cela, mais c'est Paris. Et c'est aussi le charme et l'élégance et l'âme de la France, tout cela, oui, c'est Paris. Il est minuit 25, ce dimanche soir, quand le brigadier Marcel Guillemont, qui se trouvait dans les environs de la porte Saint-Denis, est prévenu. Dans le bureau d'Oscar Dufresne, au deuxième étage du numéro 8 rue Faubourg-Montmartre, il découvre la scène. Le célèbre directeur de théâtre est étendu sur le dos, la figure tuméfiée, le corps à moitié nu. Sa chemise est remontée jusqu'à la poitrine, son pantalon est ouvert, son caleçon défait. Une flaque de sang s'étend entre le canapé et le bureau. Après avoir dîné en ville, Oscar Dufresne était rentré au palace vers 21h40. C'est l'administrateur des lieux qui fait la macabre découverte alors qu'il passait saluer son patron un peu après minuit à la fin de sa journée de travail. La disposition du corps laisse penser une scène de nature sexuelle. Dans un premier temps, la presse se contente de parler pudiquement de ses vêtements chiffonnés. Dans l'entourage d'Oscar Dufresne, les premiers interrogatoires ne donnent rien. Les enquêteurs ont affaire à un mur de silence. Certains se taisent pour préserver la mémoire du patron qui semblait très aimé. D'autres rechignent à être ouvertement mêlés à cette affaire qui, si elle n'a pas encore atteint la dimension de scandale qu'elle connaîtra plus tard, sent déjà le soufre. C'est un meurtre à sensation, c'est clair. Finalement, au bout de deux longues journées qui retardent d'autant la mise en place d'une surveillance dans les hôtels, dans les gares et aux postes de frontières, les langues se délient. Chez les employés d'Oscar Dufresne, on se souvient d'un marin porteur d'un billet signé du directeur qui permettait d'entrer au palace sans payer. Dufresne avait pour habitude de donner rendez-vous au promenoir, cette partie bien connue du théâtre, à l'arrière des fauteuils où les spectateurs étaient placés debout. Au lieu de drague et de rencontres, les promenoirs du palace l'étaient d'autant plus que la direction éteignait volontairement les veilleuses, bien que cette pratique soit en principe interdite par la préfecture de Paris. Bref, d'après l'ouvreuse présente ce soir-là, ce marin serait donc arrivé vers 21h15, avant de suivre Dufresne un peu plus tard en direction de son bureau. Un autre témoin présent dans le promenoir se souvient justement de les avoir vus partir ensemble. Voici le récit qu'en faisait l'Écho d'Alger le lendemain de la découverte de Cribe, le 27 septembre 1933. L'homme qui assassina Monsieur Oscar Dufresne avait une connaissance parfaite des lieux. Il n'ignorait pas l'existence du lavabo secret. Lorsque Monsieur Oscar Dufresne fut étendu sans vie sur le plancher de son vaste bureau, on sait que son assassin songea avant tout à se laver les mains. Il ne se hâte pas comme l'eût fait un assassin vulgaire de fouille. Rapidement, les poches du veston posées sur un fauteuil pour en extraire le portefeuille, la montre et le trousseau de clés, il n'a pas l'idée fixe de s'enfuir au plus vite pour éviter d'être surpris dans le bureau directorial aux côtés d'un cadavre. Il ne prend pas la précaution pourtant élémentaire de verrouiller la porte. Alors, crime crapuleux, crime de jalousie. Bien qu'une montre en or appartenant à Dufresne ainsi que son portefeuille ont disparu, le mobile est encore loin d'être établi. Mais au moins, la police bénéficie-t-elle désormais d'un signalement ? En effet, dans toute la presse, à la radio, mais aussi dans les préfectures de police, on diffuse le profil d'un individu d'environ 1m75, les cheveux bruns ondés, le visage pâle, le nez long et busqué, qui pourrait être porteur d'un uniforme des marins de l'État, vareuse et pantalon bleu, béret à pompons rouges, ciré noir. Quelques jours plus tard, l'autopsie livre ses résultats, qui apportent de nouveaux éléments sur les circonstances du crime. Ce n'est pas de ses blessures à la tête qu'est mort Oscar Dufresne, mais d'asphyxie, étouffé sous le matelas du divan qu'on a retrouvé jeté sur lui. Plus gênant, pour l'écho qui sera fait de l'affaire dans la presse, l'autopsie révèle également que du sperme a été retrouvé dans la serviette, près du lavabo, ainsi que sur le caleçon d'Oscar Dufresne, confirmant ainsi la nature sexuelle de la scène. C'est donc vers la vie amoureuse d'Oscar Dufresne que l'enquête se tourne. Le producteur a entretenu des relations durables qui se sont souvent transformées en amitié. Des amitiés d'autant plus solides que Dufresne mélangeait volontiers vie affective et travail. Le premier suspect sérieux est un certain Serge Nicolesco, ancien amant et actuel secrétaire de Dufresne, qui occupait le bureau voisin et dont la jalousie explosive avait parfois conduit les deux hommes à des accrochages sérieux. Pourtant, c'est la piste du marin que, dès le début, la police semble privilégier. De nombreux interrogatoires ont lieu à Saint-Malo, Cherbourg, Lorient, Brest, Rochefort, Toulon, Nice, Marseille. En vain. Les signalements de marins vus au palace ne conduisent les enquêteurs que sur des pistes trompeuses. Malgré les témoignages concordants et précis de l'ouvreuse et du spectateur présent au promenoir ce soir-là, l'enquête n'avance pas, laissant à la presse qui a horreur du vide le champ libre pour des interprétations douteuses, comme le confirme le quotidien L'Écho d'Alger au lendemain du meurtre. Je connais ce marin pour l'avoir vu plusieurs fois en compagnie du patron. Jeudi dernier, le matelot pénétra dans la salle avec un billet de faveur et se plaça au promenoir. Monsieur Dufresne vint le retrouver. Puis les deux hommes eurent une courte discussion. Ils quittèrent ensuite la salle de spectacle par un escalier interdit au public. Ce manège se reproduit le dimanche soir vers 21h30. Les deux hommes s'engagèrent dans l'escalier qui conduit au second étage et, selon toute vraisemblance, s'enfermèrent dans le bureau de la direction. Que se passa-t-il exactement ? On peut supposer que le marin, un de ces malheureux sans profession et sans courage, que Paris entraîne dans le sillage de ses lumières et pour lesquels M. Dufresne se laissait parfois aller à une confiante pitié, ne se contenta pas des secours qu'il aurait pu obtenir, et profita d'un moment d'inattention pour assommer le directeur. dès la couverture des obsèques d'Oscar Dufresne, la presse semble avoir choisi son camp, ce qui ne sera pas sans conséquence sur la suite. Le mercredi 27 septembre 1933, une foule énorme se presse au port de l'église Saint-Eugène. Des curieux, mais aussi des anonymes, sont venus rendre hommage à cette figure très populaire du quartier. Du beau monde également a fait déplacement, des hommes politiques, des vedettes, des people, dirait-on aujourd'hui, attestant de la notoriété du défunt. Mais le soir même, les journaux se moquent déjà. La presse de droite s'étrangle qu'une cérémonie religieuse ait été attribuée à cet homme taré. La presse de gauche, elle, peste contre le défilé de ses édiles bourgeoises et autres poules de luxe. C'est la première fois qu'une affaire criminelle mettant en cause un homosexuel fait ainsi la une des journaux. Et jusqu'au procès, 2 ans plus tard, l'intérêt à la fois des médias et du public pour celle-ci ne se démentira pas. Et voilà tout le paradoxe du crime du Palace. Une affaire à scandale qui fait beaucoup vendre, et pourtant, dont les titres sont nombreux à abuser de l'ellipse au point de rendre parfois incompréhensible le déroulé des événements. Les journalistes ne se gênent pas, en revanche, pour faire des allusions répétées à la décadence romaine, comparer la scène du crime à une saturnale et surnommer le marin suspect le Dorian Gray des promes noires, comme le héros d'Oscar Wilde. Mais derrière les boutades, c'est bien l'homophobie de la profession qui apparaît. Et avec elle, un dégoût certain pour ces hommes aux mœurs spéciales qui contreviennent à la décence bourgeoise. Cette façon que les journalistes ont de rester en surface, là, sans oser trop en dire, laisse la part belle aux rumeurs, forcément, et reflète en réalité les mouvements de la France de l'époque. Décriminalisée avec le code pénal révolutionnaire dès 1791, puis de nouveau dans le code pénal napoléonien de 1810, faisant de la France un lieu de refuge pour des personnalités comme l'écrivain britannique Oscar Wilde, l'homosexualité émerge aussi dans la littérature des années 20. Le Corridon de Gide est publié en 1924, rappelons-le, 3 ans après le Sodome et Gomorre de Proust. Mais la réception médiatique du meurtre d'Oscar Dufresne montre bien que, si de son vivant, un homme riche et influent comme lui pouvait s'afficher sans craindre de répercussions, au même titre que d'autres personnalités du tout Paris, comme Jean Cocteau, la police n'a jamais cessé de traquer les homosexuels. Quant à la pratique ouverte de cette sexualité, qui était encore rejetée par une très large partie de l'opinion publique, elle était passible d'outrage public à la pudeur ou encore d'attentat à la débauche. Écoutons sur ce point les explications de Dominique Khalifa, historien, spécialiste de l'histoire du crime. Il s'exprime sur France Culture. Voilà un gars qui est un fils d'ouvrier et de couturière du Nord et qui effectivement, à force de travail, à force d'engagement, est dans une perspective qui est celle de la méritocratie républicaine, ce type de méritocratie qui n'a pas pu vraiment exister avant et dont on commence à voir les fruits. Mmh. Moi, je trouve ça très parallèle avec l'affaire Violette Nozière qui est peu de temps auparavant, parce que ce qui est insupportable chez Violette Nozière, c'est que cette jeune fille qui est fille d'employés du PLM dont les parents, que les parents envoient au lycée, etc., etc., assassine ses parents. Là, du coup, c'est pareil. Avec ce bonhomme, qui pourrait être effectivement quelqu'un d'extrêmement exemplaire, il y a un moment effectivement, et c'est ça qui va déranger, c'est ça aussi qui est un ressort du fait divers, où cet homme effectivement va déroger à ce qu'il aurait dû être, à savoir effectivement un représentant de cette méritocratie qui réussit à force de travail et à force de bonne volonté et de courage. L'affaire Dufresne en effet fait irruption à un moment tout à fait particulier de l'histoire sociopolitique française. Ces années 30 sont en effet marquées par 3 grands faits divers survenus à quelques mois les uns les autres. L'affaire Violette Nozière donc et l'affaire Stavisky. Avec la mort de Dufresne en septembre 33, ces 3 affaires sont pour la droite autant de révélateurs d'un climat de décadence nationale, d'une certaine pourriture de la démocratie. Et, comme toujours, la presse fait l'écho de ce climat délétère. De son côté, l'enquête de police bat son plein. 1700 marins interrogés sont recensés. Mais la lenteur et surtout l'absence d'un suspect convaincant laisse penser aux journaux que la police dissimule des éléments. Bref, que l'État cherche à étouffer l'affaire. La défiance des journalistes est d'autant plus grande que certains des policiers qui ont pris part au dossier Stavisky sont aussi mobilisés dans l'enquête du meurtre de Dufresne. Et puis, sur cet antagonisme entre médias et représentants de l'État, se greffe un autre élément, et pas des moindres. Des dizaines de lettres anonymes sont envoyées à la police, qui émanent toutes de personnes souhaitant le plus souvent dénoncer un voisin aux mœurs spéciales. Le quotidien, l'Action française, ira jusqu'à menacer sénateurs et députés de révéler leurs homosexualités au public. C'est de l'outing avant l'heure. Les rumeurs, les plus folles, courent, entretenues à dessein par la presse à sensation. L'une d'entre elles assure par exemple qu'Oscar Dufresne possédait dans son coffre-fort la liste de tous les trafiquants d'opium de Paris. Montmartre étant alors le centre de la toxicomanie parisienne. D'autres soi-disant témoins assurent qu'Oscar Dufresne aurait mordu son assassin à la verge, obligeant la police à chercher dans les cliniques et les pharmacies de Paris un blessé de ce genre. Et là encore, en vain. En septembre 1934, soit un an après le meurtre, une infirmière, qui se révélera mythomane, prétend détenir des informations de première main sur le crime. Ce serait une orgie qui aurait mal tourné. Bon, puis c'est au tour d'un gigolo, qui s'est fait appeler Bobby, de se répandre en fausses déclarations dans la presse. Or, ces témoignages fantaisistes sont publiés au moment précis où, pour la première fois depuis le crime, la police vient d'arrêter en Espagne un suspect plausible, le 21 septembre 1934, un certain Paul Laborie. L'affaire Dufresne est une affaire remarquable dans ce sens qu'elle est un cas type où la police est terriblement gênée. Un personnage important de la cité, à peu près célèbre, riche, qui tient par 100 liens à tous les gens en place et au gouvernement, est assassiné dans des conditions qui jettent dans le plus cruel embarras ses proches et ses amis, tous ceux, enfin, qui ont le souci de faire respecter sa mémoire. Parmi tant de vertus, le prodigieux animateur de spectacle, le conseiller municipal honnête et avisé, le mécène de tant d'œuvres de bienfaisance, avait une tare, un vice, une faiblesse, la paille de cette poutre de métal. Probablement écœuré d'avoir, dans sa vie, regardé professionnellement trop de jambes nues, vu trop de peaux féminines à bon marché, scruté trop de cœurs frelatés, il avait accordé un nouveau crédit sentimental aux jeunes gens. Ses familiers, ses employés même, connaissaient ses manies et comment, souvent, le soir, il faisait le tour du promenoir de son cinéma, le Palace, pour y découvrir l'éphèbe louche avec lequel il passerait le reste de la soirée. Le procès de Paul Laborie s'ouvre le 21 octobre 1935, deux ans après l'assassinat du célèbre impresario, devant une cour d'assises bondée qui compte de nombreux journalistes. Inculpé pour homicide volontaire et vol, Laborie a toujours nié s'être rendu au Palace les jeudis 21 et dimanche 25 septembre 1933, bien que deux témoignages, ceux de l'ouvreuse et du spectateur du promenoir, l'y situent. Celui que l'on surnomme le beau Polo, Polo les belles d'or, est un petit délinquant au casier déjà bien chargé, avec derrière lui une jeunesse des plus mouvementées. Jamais marin, mais télégraphiste sur un vapeur de la compagnie transatlantique, il est ensuite engagé volontaire en Tunisie. En 1929, il se marie à Bordeaux et divorce presque aussitôt lorsque son épouse accouche d'une fille qui n'est pas de lui. Il s'installe alors à Paris en 1932 avec une jeune femme qui se livre pour lui à la prostitution. Paul Laborie fréquente alors un monde de prostituées et de trafiquants de drogue. Il sera d'ailleurs arrêté par la Mondaine dans une affaire de stupéfiants plusieurs mois après l'assassinat Dufresne, alors qu'il n'est pas encore suspect. Il sera finalement arrêté le 21 septembre 1934 à Barcelone, après une vive résistance qui oblige les policiers à utiliser leurs armes. Malgré la faiblesse de son alibi pour le soir du crime qu'il prétend avoir passé avec son frère, en contradiction avec le témoignage de la belle famille de celui-ci, Paul Laborie apparaît très à l'aise au procès. Oui, calme et confiant, il nie tout en bloc, alors qu'il risque la peine de mort pour meurtre avec préméditation. Très vite, le procès devient autant celui de l'accusé que de la victime. L'avocat général souligne notamment les perversions sexuelles et les mœurs spéciales, tiens donc, d'Oscar Dufresne. La presse, elle, s'attarde sur le visage blême, les longs cils de Paul Laborie, et sous-entend que ce bel efféminé aurait été bien incapable d'étouffer un homme de la stature de Dufresne. Le procès tourne à la farce. Sur les 54 témoins censés être entendus, très peu se présentent au tribunal. Certains craignent pour leur réputation, d'autres révèlent avoir été physiquement menacés par l'entourage de Paul Laborie. Quant aux proches de Dufresne, qui ont la loyauté de venir témoigner, ils sont parfois ridiculisés. Son secrétaire, Nicolesco par exemple, ainsi qu'une ouvreuse, finissent tous les deux en larmes. Et plutôt que de s'en émouvoir, les journaux se gaussent. L'œuvre évoque la veuve Nicolesco, tandis que Paris Soir déplore ce procès qui grouille de tant de choses affreuses. Dans le magazine d'extrême droite Je suis partout, voilà ce qu'on peut lire. Paul Laborie était sans conteste l'un des personnages les plus antipathiques que l'on puisse concevoir. Son triste genre de vie, ses douteuses ressources, le milieu qu'il fréquentait, toute l'ambiance de boue constituait contre lui un préjugé déplorable de nature à influencer les jurés. Et cependant, à maintes reprises, durant les débats, ils n'ont pas caché leur réprobation des étranges procédés utilisés dans l'enquête par les policiers. Exemple presque sans précédent, deux des jurés ont applaudi à l'effondrement public d'un indicateur. Que Laborie fût coupable ou non, nul n'y songeait guère. Ce qui soulevait l'indignation, c'étaient les moyens employés par la police pour obtenir de ces individus, sans aveu, des déclarations conformes à la thèse qu'il fallait démontrer. À l'un, les policiers promettaient la suspension de son interdiction de séjour afin de lui permettre de reprendre en toute quiétude à Paris l'exercice de son métier de souteneur. À un autre, ils garantissaient l'impunité. À un troisième, trop récalcitrant, ils annonçaient l'arrestation prochaine. À un quatrième, moins intimidable encore, ils infligeaient une terrible correction. Et à un cinquième, on pourrait continuer ainsi à l'infini. L'assassin présumé de Dufresne bénéficiait ainsi des doutes accumulés dans d'autres scandales, comme les affaires Prince et Stavisky. Le 23 octobre, 2h du matin, après 20 minutes de délibération du jury, le verdict tombe. Paul Laborie est acquitté. Étonnamment, la salle accueille cette nouvelle avec des applaudissements. Le reporter du journal Le Populaire résume bien l'état d'esprit général lorsqu'il écrit « Je crois Laborie coupable, tout en pensant, tout en espérant, pour tout dire, qu'il sera acquitté. » Persuadé d'être face à un coupable fabrique, à une manipulation policière au bénéfice de personnalités politiques de premier plan, la presse aura aussi fait le procès d'un mode de vie, d'une sexualité encore très incomprise et décriée. Quant à Oscar Dufresne, il n'a eu que la monnaie de sa pièce. « Ce sport étrange à ses risques », a écrit encore un journaliste de l'œuvre après le verdict. Le crime du Palace, marqué par une enquête de police fouillée et un procès peu équitable pour la victime, reste à ce jour irrésolu. C'est Henri Varna, l'associé de Dufresne, qui héritera de sa succession, mais les affaires de son ancien patron se révélèrent tellement criblées de dettes qu'il finit par renoncer à sa part d'héritage. À l'image du traitement médiatique de ce crime, la mémoire d'Oscar Dufresne a été complètement oubliée. Et alors qu'il avait tant œuvré pour son cher 10e arrondissement, le nom d'Oscar Dufresne n'apparaît toujours sur aucune plaque dans les rues de cette partie de Paris. De 1978 à 1985, le Palace connaît une seconde vie tout aussi éclatante, si ce n'est plus que la première. Il devient alors le club parisien le plus en vogue, mais aussi un haut lieu de la nuit homosexuelle, comme un clin d'œil un peu tardif à son ancien patron. Vous écoutez Affaires Sensibles, aujourd'hui le crime du palace dont nous allons parler avec notre invitée, l'historienne Florence Tamagne. Bonjour. Bonjour. On vous a entendu une fois dans le récit au tout début, donc je ne vous ai pas cité puisque nous vous retrouvons maintenant. Vous êtes l'auteur du livre intitulé Le crime du palace, enquête sur l'une des plus grandes affaires criminelles des années 30, paru chez Paillot en 2017. Et vous êtes spécialiste de l'histoire culturelle du genre, de l'homosexualité et de ses représentations, ce qui est très porteur d'ailleurs. En ce moment, c'est un vrai thème de réflexion et de progrès, j'imagine. Alors, revenons à l'enquête policière, à cette histoire. Elle est à la fois méticuleuse, fouillée, puisque des dizaines d'interrogatoires ont eu lieu, qu'on a pisté des marins aux quatre coins de la France. Et puis à la fois, elle marque par sa lenteur et l'absence de suspect principal avant l'arrestation de Laborie un an après le meurtre. Tout cela laisse la porte ouverte aux théories les plus extravagantes. Pourquoi est-ce que la presse semblait si persuadée que la police dissimulait des éléments ? Alors, comme vous l'avez très bien expliqué tout au long de l'émission, on est dans une période de scandales politiques, d'affaires de corruption à répétition. Et Oscar Dufresne, en tant que conseiller municipal du 10e arrondissement, est lié au Parti radical socialiste qui a été justement impliqué dans plusieurs affaires de corruption. Par ailleurs, la police, à cette époque, a été mise en cause, là encore, dans plusieurs affaires, autour de l'affaire Stavisky, et plusieurs des policiers qui travaillent sur l'affaire Dufresne seront compromis dans d'autres affaires. Donc il y a une espèce de suspicion généralisée, mais qui est surtout entretenue abondamment par la presse d'extrême droite, par l'Action française que vous avez citée, qui prend un malin plaisir à vraiment monter en épingle les rumeurs les plus folles sur fond d'antisémitisme et d'homophobie. Et d'anti-parlementarisme, surtout avec Stavisky. Également, bien évidemment, c'est une occasion parmi d'autres de mettre en cause le régime républicain. Ce qui est intéressant d'ailleurs avec l'affaire Dufresne, c'est l'espace-temps dans lequel elle se noue, c'est-à-dire les années 30, qui sont assez paradoxales parce que ce sont des années où on s'éclate, hein, voilà, où on a envie de vivre, de rire, et en même temps ce sont quand même les années des montées, des périls, du péril d'extrême droite, de cet antisémitisme abject tellement il est assumé, et puis les périls qui vont arriver jusqu'à la guerre. Donc c'est une période intéressante de ce point de vue-là. Tout à fait, c'est vraiment ce paradoxe, on est à la fin des années folles, il y a eu vraiment une soif de jouissance. Dufresne, c'est vraiment l'apogée, oui, c'est des années folles, voilà, des paillettes, du musical, de la danse, donc tout ceci participe d'une libération des mœurs, c'est le temps des garçons aussi, mais derrière, il faut voir que c'est également l'époque où on renforce les peines contre l'avortement, contre la contraception. Il y a un fonds de crise économique qui touche la France déjà en 1931. Toutes ces affaires politiques qui se traduisent par des chutes de gouvernement à répétition. Et l'affaire Dufresne, c'est septembre 33. En janvier 33, Hitler est arrivé au pouvoir en Allemagne. On est dans un contexte international qui est également très tendu. Oui, avec des idées d'extrême droite qui ont le vent en poupe, notamment avec effectivement des figures étrangères très fortes comme Mussolini et Hitler. Exactement, et en France, vous avez les ligues d'extrême droite qui font parler la rue, et en février 34, on a la fameuse journée... La violence. Donc tout ceci crée un climat qui est quand même un climat de tension, un climat assez malsain. Et quand on a dit tout ça, on se pose encore plus la question de savoir pourquoi on a tant parlé de Violette Nozière, par exemple, de Stavisky. Alors, on sait pourquoi on en parle, parce que c'est important. Et pourquoi on a oublié cette histoire Oscar Dufresne ? Alors, là encore, dans l'émission, vous évoquez les films qui ont été tournés autour de l'affaire Nozière, de l'affaire Stavisky. Ça a permis sans doute de réinscrire ces affaires dans la mémoire populaire. Après, c'est vrai que l'affaire Dufresne se termine un petit peu en queue de poisson, puisque l'assassin présumé est finalement acquitté. On n'entend plus parler de l'affaire. Ensuite, il y a la guerre, et dans les années 50, le climat, c'est quand même un climat d'ordre moral, de familialisme. L'homosexualité est un sujet tabou. Donc, on va complètement oublier cette figure d'Oscar Dufresne. Et à part dans quelques livres de Patrick Modiano que vous citiez au début, eh bien, c'est une figure qui a totalement disparu. Mais c'est aussi un peu le cas de beaucoup de figures qui étaient de grandes figures de la culture de masse, du musical, mais qui ne sont pas des figures de l'avant-garde, qui ont du succès dans leur temps et qui ensuite disparaissent totalement des mémoires. Lesquels, par exemple, vous avez un ou deux noms? Pas spontanément, mais je pense à une autre affaire, Louis Le Play, qui était le découvreur de la môme Piaf, qui est homosexuel, qui est assassiné également en 1936. C'est aussi une affaire qui marque les esprits et qui est largement oubliée aujourd'hui. Oui, oui, d'ailleurs, je suis en train de noter, figurez-vous, ce que vous me dites pour une prochaine émission Affaires Sensibles. Comment s'appelle ce monsieur, vous me dites? Louis Le Play. Louis Le Play. Bien ça, voilà, je marque. Hein. Voilà. Et vous voyez, parce qu'il est lié vraiment à l'ascension d'Edith Piaf, et ce n'est pas un nom qui parle à tout le monde. Là, et ça nous donnera l'occasion de parler d'Edith Piaf, au passage. Merci, hein, merci pour le tuyau. Bon, alors, il s'agit du premier fait divers en France qui fait la une des journaux, alors qu'il comporte une dimension homosexuelle. On va continuer à en parler. Je voudrais vous faire écouter ce qu'en pense l'écrivain Dominique Khalifa, qu'on a entendu également une fois dans le récit. C'est un monsieur intéressant, et puis bien sûr, on vous demandera votre avis à vous. Évidemment, juste après. Oui, moi, ça, c'est sans doute un des points qui m'a le plus intéressé dans le livre de Florence. C'est d'ailleurs aussi ce que le fait divers nous permet de voir et de dire. C'est ce rapport à l'homosexualité. Il y a, bien sûr, une petite subculture homosexuelle qui s'est affirmée et qui s'affirme depuis, si on suit l'historiographie, depuis le XVIIIe siècle ou avant. Mais en même temps, c'est que c'est une visibilité forte, mais extrêmement limitée, avec une très très forte ambivalence. C'est que pour le quidam homosexuel de la rue, finalement, les choses restent extrêmement, extrêmement lourdes encore. Trop visibles pour les détracteurs. Alors, bien trop visibles pour les détracteurs, acceptables pour une petite frange, effectivement, de personnalité, de la nuit, etc., etc., pour lequel on peut accepter beaucoup de choses. Et en revanche, encore extrêmement tabou, encore extrêmement plombé pour la plus grande majorité des individus. Voilà, Dominique Khalifa qui vous a lu, hein, parce qu'il parle de vous. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Allons-y, là-dessus, sur ce point précis. Je suis assez d'accord sur le fait qu'il y a vraiment des différences très importantes entre les milieux, mais je dirais surtout entre Paris et la province. On sait que Paris regorge alors de clubs, de lieux de rencontres homosexuels dans certains quartiers, soyons bien clairs, qui sont déjà considérés comme des quartiers de la marginalité, Montmartre, Pigalle, Montparnasse. Mais il ne faudrait pas croire néanmoins que ce soit uniquement l'élite ou la bohème qui peut affirmer son homosexualité. Il y a beaucoup de bars, de clubs très populaires. Il y a le bal travesti de Magic City et d'autres bals autour de Bastille, par exemple, qui sont fréquentés par des hommes de milieux très populaires. Par contre, il est très clair que dès que l'on va en province, ça devient extrêmement difficile d'affirmer publiquement son homosexualité, que beaucoup de personnes, on va dire de la classe moyenne, qui ont une réputation à tenir, la plupart vont soit taire leur homosexualité. Pour certains, le mariage de convenance devient presque une obligation pour des raisons familiales ou professionnelles. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on ne parlait pas du tout d'homosexualité dans les journaux avant 1933, même à travers les récits de faits divers? Est-ce que ça allait jusque-là? Alors, pas tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a des façons de parler d'homosexualité sans le dire de manière explicite. Vous évoquiez déjà toutes ces tournures, mœurs spéciales, milieux interlopes, voilà, que le lecteur averti sait décrypter. Il y a toutes les métaphores à la Oscar Wilde. Et d'ailleurs, les procès d'Oscar Wilde avaient été traités dans la presse La fin du 19e siècle. Mais c'était aussi une manière d'attaquer l'Angleterre. Donc, la France, en gros, se targue targuait d'être préservé de tel vice. Par contre, on parle d'homosexualité forcément dans la critique littéraire. Vous avez mentionné le Coridon d'André Gide, de Sodome et Gomorre. Donc, c'est le moyen pour la grande presse d'aborder avec beaucoup de précaution ces questions. Par contre, des magazines comme Détective évoquent assez couramment l'homosexualité, font des reportages à sensation à Montmartre, dans les bals travestis. Donc on ne peut pas complètement cette question, mais il y a différentes manières d'en parler. Et surtout, on trouve toujours le moyen de s'excuser d'en parler, comme si c'était soit un sujet compromettant, soit comme si on voulait maintenir une distance et bien montrer que non, nous, on n'en est pas. Les Tartuffes, mon nain, cachez ce sein que je ne saurais voir. Voilà. On rappelle que l'homosexualité, ça paraît fou de dire ça, pourtant c'est vrai, a été légalisée en 1981, officiellement. Bon. Mais la répression avant 81, sous Giscard, sous Pompidou, Je vous arrête parce que l'homosexualité n'est pas décriminalisée, donc c'est en 1982, ce sont les dernières stigmatisations qui perduraient, qui sont supprimées à ce moment-là. C'est-à-dire, notamment, il y avait une discrimination sur l'âge de la majorité sexuelle qui va être supprimée en 1982. Il y avait différentes dispositions, par exemple, sur le code du travail ou le code du logement qui sont supprimées. Mais l'homosexualité n'a jamais été pénalisée en France depuis 1791. Ah donc, elle a été décriminalisée. Ah, oui. Non, mais vous avez tout à fait raison de dire décriminalisée. Mais est-ce qu'elle était criminalisée dans les années 30 ? Dans les années 30, elle n'est pas criminalisée. Mmh. Justement, c'est ce qui fait de la France, aux yeux d'ailleurs des pays étrangers, une terre de tolérance en matière d'homosexualité. C'est ce qui explique qu'Oscar Wilde, après avoir purgé sa peine à la prison de Reading, vient se réfugier en France et qu'il est enterré, comme Oscar Dufresne, au Père Lachaise. Mmh, il est possible d'être condamné à des peines d'outrage public à la pudeur, par exemple, mais dans des cas très précis, par exemple des cas d'exhibitionnisme. Donc, mais ce n'est pas l'homosexualité en soi qui est condamnée. Par contre, il peut y avoir une surveillance des lieux de rencontre par la police, et on sait que beaucoup de clubs et de bars homosexuels étaient l'objet de rafles de la part de la police à des périodes répétées. Et notamment au Palace ? Alors, pas au Palace, pas dans les music halls. C'était, de ce point de vue-là, il y a toujours une surveillance, on va dire, des lieux de spectacle, mais qui n'est pas du tout du même type que ce qui pouvait avoir lieu dans des bars qui étaient, par exemple, soupçonnés soit d'entretenir la prostitution, soit du trafic de drogue, etc. Donc, c'est pas au même niveau. Alors, on rappelle que Dufresne a été conseiller municipal du 10e arrondissement en 1929. Est-ce qu'il était protégé par des relations, on va dire, en haut lieu ? Alors, on peut pas dire qu'il est protégé. Il a des amis en haut lieu. Il est notamment une connaissance de Louis-Jean Malvy, qui a été ministre de l'Intérieur, notamment parce que ils ont collaboré ensemble pendant la Première Guerre mondiale pour réouvrir les salles de spectacle. Donc, il a des amitiés en haut lieu, mais on ne peut pas dire qu'il soit protégé. C'est pas une grande figure politique. C'est plus un notable local. Alors qu'aucune rue du 10e arrondissement ne porte à ce jour le nom de Dufresne, aurait pu, au nom de ce qu'il a fait pour la nuit, le spectacle, eh bien le palace, ce palace-là, a connu une seconde vie éclatante dans les années 80 et 90, même à l'orée des années 80, ça a commencé. C'est redevenu un haut lieu des nuits parisiennes et de drague, hétérosexuelle comme homosexuelle. Est-ce qu'on peut y voir un clin d'œil, une revanche pour son ancien patron, justement oublié? Je dirais plutôt un clin d'œil, parce que quand le palace a connu cette seconde vie, à aucun moment il n'a été question de Dufresne, et je ne crois pas que quiconque se souvenait du rôle qu'il avait pu y jouer. Mais un vrai clin d'œil, parce que Dufresne, qui adorait la fête, le spectacle, les paillettes, qui ne cachait pas, comme vous l'avez dit, son homosexualité, aurait à coup sûr beaucoup apprécié l'endroit et la manière dont on l'avait fait revivre ainsi. Ah bah oui, absolument. Florence Tamagne, oh, il nous reste 30 secondes. Est-ce que j'ai le temps de vous poser la question? Allons, on y va quand même. Vous êtes spécialiste de l'histoire culturelle du genre, de l'homosexualité, de ses représentations. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce point, en quelques phrases, sur quoi repose cette science-là? Écoutez, je vais plutôt encourager vos auditeurs peut-être à se rendre au mémorial de la Shoah où se tient actuellement une exposition dont je suis la commissaire et qui s'appelle « Homosexuels et lesbiennes dans l'Europe nazie » et qui rappelle justement tout le poids de l'homophobie, ses conséquences donc dans les années 30, dans la période que vous évoquez. Ben c'est parfait. Ce n'est pas que, voilà, que la fête et les paillettes, mais c'est aussi une très forte répression, l'envoi en camp de concentration. Bien sûr. Et des années pour obtenir une reconnaissance juridique et publique. Merci infiniment, Florence Tamagne. Au revoir. Au revoir, merci à vous. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui le Crime du Palace, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Johanna Gabric. Retrouvez Affaires Sensibles, la pièce de théâtre adaptée de l'émission actuellement au Tristan Bernard à Paris.